nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. Aujourd'hui, c'est l'émission 394. Trirand Père à Perugun, c'est ça Henri? Oui. Et quel mot on voit aujourd'hui? Trirand Perzeg à Perugun. Perzeg à Perugun. Ouais, 394. Oui, alors aujourd'hui, on va voir un verbe qui est assez curieux, puisque il y a un ZV au milieu du mot, quoi, c'est dosvin, qui veut dire pondre. Alors, c'est un mot d'origine celtique, hein, donc très ancien, et on retrouve dans plusieurs mots ce radical, hein, D-O-Z-V ou D-O-Z-W, donc pour des mots qui sont relatifs à la ponte, au sens de pondre des œufs. Alors, comme il est un peu difficile à prononcer, ici, dans le Kreisbreis, on l'a simplifié un petit peu et on dit « doin ». Le ZV, on laisse tomber. Et donc, le participe passé « dosved » est devenu « doed ».« Doed » est nu, grenouillard. Hein. L'œuf est pondu par la poule. Hein. Alors ici, on dit « nu hein. ». Dans certains endroits, on dit « orvi hein. ». D'ailleurs, c'est écrit « vie » en général. Mais nous, on dit simplement « nu ». Agnus au dos et grenouillard, hein, il est pondu par la poule. Alors ça peut être un œuf de toutes sortes, de n'importe quel animal. Hein. Par exemple, on pourra dire, pour les poissons aussi, on emploiera le même mot. Hein. Le caviar, par exemple, c'est des œufs d'esturgeon, UO. Hein. Voilà, dos des nu grenouillard, voilà, l'œuf est pondu par la poule. Alors, il y a d'autres... d'autres mots qui ont la même racine, hein, dosvadur par exemple, qui est l'acte de pondre, hein, c'est un mot masculin, et il y a un mot féminin, dosvaden, hein, qui exprime également la ponte. D'ailleurs, le radical tout seul, hein, et pour nous ce serait do, hein, traduit directement aussi le concept de ponte, hein, on n'aurait même pas besoin de mettre une terminaison. Mais alors, nous, en général, d'ailleurs, on n'utilise pas tellement un mot désignant la ponte, mais plutôt l'acte hein, de pondre, hein, et voilà, do-e-d-e-nu. Alors, il y a beaucoup d'emplois figurés aussi pour dire engendrer quelque chose, un peu comme en français, hein. On dit, tu vas pas nous pondre une pendule ou des choses comme ça. Il nous a pondu un rapport. Voilà, on a pondu un rapport, oui, voilà. Donc, des expressions plaisantes comme « quand en rock doin », chanter avant, parce que la poule fait ça, chanter avant de pondre, ça veut dire que on clame qu'on va faire des révélations, quoi. Ça se voit souvent en politique, hein. On annonce des révélations qui, des fois, ne viennent pas, d'ailleurs. Quand on a un rock doin. Et donc, voilà des expressions qui sont... où le verbe pondre hein, est au sens figuré. Voilà. Alors, après la ponte, bien sûr, il faut couver. Hein, donc, en tout cas, si c'est pour la reproduction. Alors, le verbe couver, c'est gorin. Alors, c'est un verbe... Il faudrait presque faire une petite émission sur lui parce qu'il a des sens différents. Par exemple, il veut dire aussi suppurer pour une plaie ou pour des scrofules, des choses comme ça. Donc, gorin, hein, couver. Alors, couver, bien sûr, ça a le sens aussi de préparer quelque chose. Hein. Et le participe passé, c'est gord. Hein. Voilà. Alors, par exemple, à ce moment-là, oui... une expression ne wa que chomme de horin. Il n'est pas resté couvé, ça veut dire il n'a pas demandé son reste. Hein. Des expressions. Alors la poule qui couve, on appelle riars clockers. Hein. Ah oui. Riars clockers, hein, ou clockers. Hein. Voilà. Donc gorin, hein, gord, donc couvé quoi. Et après, alors donc après cette après tout ça, il y a l'éclosion. Alors l'éclosion de l'œuf, hein, donc on va dire diglorant, et puis participe passé diglorod, hein, ou dinodin aussi, hein, dinodin qui veut dire éclore, hein, voilà. et on obtient des poussins. Alors les poussins, on les appelle neun de pian, c'est-à-dire les petits oiseaux. Oui. C'est le mot poussin, c'est pour ça que il y a un village, la Crère Neuned, là. On ne sait pas si c'est la colline aux poussins ou la colline aux oiseaux. On avait déjà parlé de ça. On avait déjà eu l'occasion de parler de ça. Neuned Pian. Alors, c'est justement cette mutation-là, est une mutation qu'on trouve de temps en temps, qui n'est pas répertoriée. Hein. C'est une mutation du B en P, hein, comme on dit, un Enpras, par exemple, aussi. Hein, on met un P. Et un œil de pian, c'est des petits oiseaux, quoi. Alors on pourrait dire un œil de pian, mais on prononce pian. Voilà. Ben là, on a fait un petit peu le tour de l'omelette là. et voilà, depuis la ponte jusqu'à l'éclosion, quoi. Alors là, il y a aussi l'endroit où ça se passe tout ça, c'est Clude, hein, Lute, hein, donc le poulailler en fait, hein, Clude de Yir, et puis Nez aussi, le nid, hein, puisque les poules ont tendance à normalement pondre dans un nid quand elles ne pondent pas n'importe où, parce que la poule pond assez facilement un petit peu partout comme ça. Voilà, et ben on a fait le tour de l'affaire, Dauvin, hein, Dauvin. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg t'en m'attend. Brezhoneg t'en m'attend. Yeah. Deuxième partie de l'émission Inter Brezhoneg. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est pas tout à fait la rentrée, elle est passée, mais c'est l'époque de la rentrée à Zantôle, comme ailleurs. Et donc l'Annick, qui travaille à la radio, est allée, pour de radio, hein, est allée interviewer Nolwenn, qui est l'institutrice. Nolwenn Talek, qui est là depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui a remplacé Madame Nedelec. La femme de Job Nedelec. La femme, voilà. De... Et Ronan Du a remplacé Job Nedelec. Alors, il y a deux classes. Il y a deux classes, oui. Alors on les écoute. Salut Nolwenn. Ma de jeu, Gana Ne ce que de glem, Lornik. La retinta, Nolwenn. Hat kroge dir skol basantole. Fait ya vad. Vel l'erel, vel juste. Abudimers. Ya, abuga à l'ezo. Ah ya, tos de hanter kronazo. Révras à Révien. Ya, mais normalement, nous ce qui est school, vend. Ah, ya, en RPI, zo. Ya, la plou derrière, maman. Juste mad, à school, vend, ma zo, la plou derrière, à school, qu'en temps des restes, bas en tôle. À raison de vos grès de blanc, mon roi. Ya, terre brezhoneg, vougret babzun. Rant an du, ar a war dro ar brezhoneg, a mer a war dro ar son erez, hag an ar zou, vit tout ar vugale. A zoz neuk vougret ivez ? Ya, vid ar ese em daou, vegret zonzneg. Un ur bet zun, gant ur plar deus brossoz, o chom bazan tolek, a bet desket ganti ar brezhoneg. Met deut da ber tro ar skol, me peus oan. Dorm da, hein ? Oui. On reprend ? Oui. Donc, on va traduire un peu tout ça, quoi, hein, ce dialogue-là entre Nolwenn et Lornik. Un distro skol. Oui, donc la rentrée de l'école. Salut Nolwenn, madr jeganeur. Oui, salut Nolwenn, comment ça va ? Neus ket de glem, Lornik ? Oui, neus ket de glem, alors il n'y a pas à se plaindre, ouais. Formule courante. La redinta Nolwenn, hat kronik der skol bazan tolek ? Donc, dites-moi, parce qu'il la vous voit, hein, dites-moi, comme on fait partout ici, dans le tolek et à Pemrit et à Tremargat, dites-moi, Nolwenn, l'école est recommencée à dans le tolek, hein, reprise à l'école, hein. Feyavat, Vellerel et Veljust, Boedimers. Ah oui, c'est sûr, hein. Feyavat, hein. Comme ailleurs, hein, bien sûr, depuis mardi. À Bugale, Azo. Et il y a des enfants ? Il y a, tous dans Turcan, Azo. Oui, il y a environ 50. Révras à Révillon ? Oui, des grands et des petits. Il y a, mais normalement, ne ce que Skolvan, bah Plouderien, aimant. Oui, mais ici, il n'y a pas d'école maternelle. Elle est à Plouderien. Ah, il y a un RPI, Azo. Alors, RPI. Oui, il montre qu'il connaît bien le milieu scolaire. Il dit, ah, il y a RPI, Azo. Mais les gens de la radio, il faut se voilà, il y a RPI, voilà, j'ai compris qu'il veut dire. Quoi. Voilà. Juste, Arskol, Van, Mazo, Baplou, Derrien, Agarskol, Kent, Anderes, Bazantol. Oui, voilà, exactement. Donc, l'école maternelle est à Plouderien et l'école du premier degré, l'école primaire, est à Santol. À Brezhoneg, vous grez l'herbe blamant. Voilà. Et du breton sera fait aussi cette année ? Roas. Hein ? Encore ? Oui. Il y a Terreur Brezhoneg, Vaugret, Bebzun. Voilà, oui, on fera 3 heures de breton chaque semaine. Renandu, Ara Wardro, Brezhoneg. Voilà, Renandu, Ara Wardro, c'est-à-dire il s'occupe. Hein, façon de. C'est un bretonisme hein, très, très connu, puisque même en français on le dit, fait retour. Hein. Mm. Celui-là fait autour des bêtes. Voilà. Donc Renandu s'occupe. Français de Pemrit. Voilà, français de Pemrit. Renandu fait donc s'occupe du breton. Donc il se partage le travail. Ma mère a avoir droit à son RS à Grand Arzou, vit tout d'Arvugale. Arzouker, non ? Non, les arts en général. Hein. Donc et moi je m'occupe de la musique et des arts pour tous les enfants. Donc à ce moment-là, ils échangent leurs enfants. À Sonsnek des Grecs. Et on fait de l'anglais aussi ? Ya. Yeah. Vidar et CM2, regrette Sosnek. Voilà. Oui, pour ceux du CM2, on fait de l'anglais. Une heure, Bebzun. Voilà, une heure par semaine. Gonar Plardes Brossos. Donc, par une dame venue d'Angleterre. Au Chomba Zantolek, avec des skates Gantier à Brezhoneg. Voilà, qui habite à Zantolek et qui a appris le breton. Et ça existe, c'est vrai. À Zantolek, mais même ailleurs. Et un peu Brit aussi. Oui, oui, il y a aussi. Mais deux d'ouverture school, ma peut se rendre. Mais venez donc faire le tour de l'école, hein, donc visite de l'école hein, pour la prochaine fois. Et Lornik répond, dans Pneuil. Dans Pneuil, voilà, il est toujours d'accord. Voilà. Bon, eh bien on passe à la troisième partie. Voilà, Pétrazonné des Arbres tout de suite. Thank you. Petra zone ver vro, kal ze draou evel just boer vej di ouzan. Krogom de dianton vel custum, gant la bourdouar hag vu e war armez. Tramene de bremañ, e misest, a zer de be de nedou, de la var de ur guiniz, neil, ur zeg, ur hier, hag blam oa matre e nedou bon zer zo be de mat, peut dire oa bra an amzan. Hag bremañ ne chom ketin de zeri, war ur mez, nemet ur maiz hag ur betravez, met evize zo amz ar c'est evel just. Ha ma vebra mis gwen golo, vo ma d'un traou, vid un trevadouz. Ha spi e meus vo bra un traou. Ma trez un vefe beret gado o bandour, met me mestran neus ket glem. Prestig vo un distro skol, hag an amez o trouz vejo. Prestig vo un distro skol, hag kan mari un distro skol, ve un distro, e vi kalze draou. Evel just, hein, vid al gevredigezio a tout, hevit igezio hag vid kalz a stroladou evel just, man un distro. Da skoer vid de la bourdouar vo salon de la zaverien londet, barroazan eve l'art de spaz de se, ur spaz oa bet krouet babla seiz a perruget, hag ve bepla, ar ve bepla kalz londet a kalz dut, ba mis gwen golo. Blamant ne vaut que de président de bête, puis dire président noa. Il y en a vie qu'elle m'étayait, zo et tenant nan, n'est-ce que gual belzo. Hendel, bonne zo, salon ster attitude, ben, hanter mise, mise gwen golo, vo ba, ba loudiak, hag, quasi-war, mames deyo. Comme ce zo bête, calz, marrément de sprise nuo, puis dire, une prise nue aux oies quid iseltré, hag un évesso ou abed Stéphane Orfol, ministre Labourdoua, Horandro et Breis, et vide l'art labourerien douar, hag zaverien ir, refait il seis possible et vide l'academ trou d'un gwellar. Hervé Kled, on tombe bien gwellar. Bon, gwellet vaut. War armen ebré, a raso bed ur voir yezek blam, war lan ewa kebe moyen d'or, puis oa reavel, hag blamme zo be moyen a zo be kalz dut un dro d'ar yezek pudur zo be djervijet daouvil pret ba war amenebri. Bon, bremañ vid a yezek vo gwellet de roaz prestig voar vulat a oa l'air ba mis her e voar djerien. Gwejel oa roaz oa l'air voar bulat hag a djerien oa voar plijdi a ze vije gwerz ed ne beulion diouz an an. Pudur vije la ba voar plijdi au neubel vid pris au hi. Agrosé, oua que courage, isoar, dut. Bon, de seiz vis gwengola, ou evo bazan konan, komis la bourdouar, vi canton de Saint-Nicolas. Pevezel a don tamp, pis amour de oua bet kont gant homiset, tient an komis oua begret, ba brovrans, oua ba breiz amman, ba plesder, ba bla milei skan pemzek, ziratos de dohan lasso. À l'once doit bé de nafarzeg en louifanche de l'orgeril, ou à ondine de zenoblance, ou à diden et gant de la bourdouar. À walers ou bégret, commis à ondant me pébler, bourvrans, ag breiz amant. Vite canton de Saint-Nicolas, ou à bé de l'once de remis, babla, milno han roer à dohugen, juste ou à l'air à breiz, ag drasé, ou à bé l'once gant auguste de rouent, zo de Saint-Nicolas, ou à de Saint-Nicolas, aide de nanan un boué, hag hez ni oa krou e de remis hag hop la pelemoaz hag zo me mer ba zan Nicolas pa tre gond la. Bon, dan mon tamm war dachen en andro babla dao vil pemzet pa de nan vo skarzet de len gwerledan hag bon komz ve kalz de ze tre gond la so bla pem a perruget oa bet skarz deja ur len, hag bon dern lar o vo dravad vid un touristelez, dern lar an oak de mat pudur big in la lont ke mont war an dour, bon, gwellet vo pe sa mot vo kon, ben a hen. Bon, komzo mont tamp deus ekonomi eus evro, pemzeg vlasso oa bet lans de Balokarn, evel just Balokarn oa bet lans TV Breizh. hag un dis pep ze glaso milardin ou a peine au bras ba locarn aze ou a deut Patrick Lele ou a de Hulse mes war war TF1 ou a kaz en trou agar ou a begret kal ze diskour yo a vidlar de pesamo ve fe bit chanche den trou a war dach den télé quand TV Breiz avait fait begret trou en brezon evidentud hag bon a gevel juz oa be raste let kalz eran gant ar chad en zeud, skouer, eran ho et gant ar an vro hagel, vid zevel TV Breizh. Met jiwaz nun vrezez o bet dis oe et voun istri, TV Breizh neus di leus ket voun iz tachet an brezon, o gevi mon tientor oa zu filmo o amerikanet. Hag just ma de nevezo, ur e diouz an deus re oa labourat ba TV Breizh ba Norient, Zoet de la bourre de Boulogne, Toste Paris, à Piquechu, en la force. Bon, comme ça, mon temps vraiment de Strouel, puis dur, Wardash, un brésant de ma personne. Puis dur, la remeuse, hein, puis ou un distro scol, ou un distro vicals trou. Videur brésant de Jiwan ne vaut que cals, ou alors un trou blanc. Puis dur goudorin des quebets de zine de carta vidoriez ou guasket babro europa hag bon hervé clevet vos temps muar vugal et otis qui braison de blanc mais bon redi diwal ka jacobine de zo presse d'ermot de hed à la de discarpe et svezavet me mestra zo kele yor ma war war dache en ouzo da square vos gred au skol diwan ba boulevriak hag bon zezo matre ka matre kelen brezon eg lerve komzet ka pevezel doa regarten benefin ve kelen brezon eg lerve ke komzet a lerve komzet ve ke kelenet peso eus uzoar benefin hag bon a ze ba boulevriak vo just ba kreizer vro on tan war brezon ne voaz là, un mois d'art, ou à Bécrou, et grand ministre, Zévena, dur, au comité Théodule, de l'art aidé au comité Vitcombs, mais Heb Galoudbet, ag, zo hangnet, gando, non, care, comité consultatif des langues de France. Mais bon, zéné, que med, ma peu soin de l'aca de, un dude de jonge, al, mais de gré, dit, mais, n'est que mon bête. Mais ce qu'un dude, ouais, et non, bah, comité Théodules, mon potiès Paul Molac, on dit Yulva, des Veljus, mais bon, niveau que Calze Bouise, dirait Jacobine, Penobras, Jacobine. Vous scoudez, Glevenbeus, vous, quel est vraiment un brésan de Bascolveur Harvard, bah, bro américain. Plus dur, un DL Velen Wak de Vigek et Carven Mistriwar de Gélen Brésan de Pessonab et Valput. Mais là, revêzé, Villard n'a ne ce que moyen de théorie classe ou plusieurs de ce que vistri. Ma très un de vos red cards américains, de zone de guédène au brésant, de retourne. Hein, voilà vous. Tu te bêtes, si tu me barres, va, bon. Sais-tu, on t'en tient l'aigle, envie de, vis en brésant, de. Bon, Hendel vit de Zévena, dur, zobé, de calze, de drogue, même sera, hein. Pas de nom, de scouir, mon bé de, festival Orguel, l'ave festival bon me vit tout mais Orguel plein ben dans nous dans obécal je dis Orguel fils elle barostre ag obécal je dis divé ah ben barostre je obé juste moi de hon covid en a discount ag gan zo gan énorme ne se bidor pris gan morgan ag zo montré à der von an bon hendel zo bé trop ur chapelio zo bécal je dis Yves, bah, chapelio evro, de chilo, zon adegu, de chilo prezegenu, à, d'orbale adenu. Pegant comes de troer chapelio, jusmat, bah, très malga, de behadigor de nilis, oazer de spente glaso, vit troer chapelio, hag, oa, obermtud, bah, nilis annonce, a zo ged orbale aden, bon, orvale aden, hag, oa, calzedud o heuil. À bras ou à nomzer, à cette eau, à tram de mode, un trou. Bah, car, noed, zo lac de, nos zones mûres, hein, blâme, plutôt à 16 warnugues, on a vraiment zo roer à trégon. hag meskerin zo zant Cornélie, zant Cado, zant Million, zant Tugen. Bon, c'est zo bad, hein. Bon, la kat ben e blam, me zan le voaitos de Hunter Kahn. Bon, c'est tu kar adin me zlar de kalzodrao. Ah non, on drae, moi, Juan de l'art, quand la sau abe digine de guerriou croaz, ma brozoz, pez ve l'art mo croazé in galak. Avi gelard de Huls de Galeg vi gelard merveilleuse mosaïque. A vraiment zo moyen d'or bon Gerio Cross ba tout de gazette eno zo Gerio Cross a ba gazette en ya zo Gerio Cross in brezon dek. A zo moyen de d'ober d'oberne au vi jesune bon pe de Gerio Cross in brezon dek. Bon c'est tu grande Gerio Cross vo échu de Begontaden. Ag l'arant kenavo, l'arre de rom kenavo, d'ar tout chilowern RKB. Fregare Eri.